parce que monsieur fait partie de ces rares honnêtes. Il a de l'amour à revendre, monsieur est aussi un poète. Il n'est pas de cette génération qui pense que l'amour s'achète, qui pense qu'à faire l'amour à des femmes livrées en sachet. À cause de ça, monsieur se fait charrier, parce qu'il ne profite pas mais qu'il veut seulement se marier. Monsieur se fait charrier par des gens qui veulent lui parier que cela n'existe pas, qu'il finira contrarié. Mais ce qu'il se dit, c'est qu'il n'a rien à leur prouver. De toute façon, ce dont il a besoin, il l'a trouvé. Madame a réveillé son cœur d'un profond sommeil. Dorénavant, celui-ci est la terre qui tourne autour de son soleil. Ce genre de choses, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas. Monsieur va là où beaucoup ne s'y aventurent pas. Dès le premier regard, monsieur a plongé dans ses yeux. Dès la première étreinte, il s'est vu voler dans les cieux. Dans les cieux, dans les cieux. Monsieur a trouvé un équilibre. Il a deux fois plus de raisons d'aimer vivre. Il se dit qu'à son âge, la chance lui a souri. Il peut partager complicité et fou rire. Monsieur veut présenter madame à ses parents. Il voudrait faire le tour du monde ensemble une fois par an. Monsieur songe même à un mariage et des enfants. Il souhaite que leur amour les fasse vivre jusqu'à 100 ans. Monsieur fait bien en sorte que tout soit parfait, pour éviter que l'on parle d'eux à l'imparfait. Monsieur n'est pas naïf, il croit juste en son histoire. Il rattrape ses moments seuls qu'il a vécu de nombreux soirs. Il n'y a pas plus honnête que lui, cela est vrai. Le temps défile sans qu'il ne s'en rende compte. Ça l'effraie, tout va très bien au point de voir les larmes rattraper les rires. Cupidon est un traître, une flèche peut tout anéantir. L'honnêteté n'est pas donnée à tout le monde. Le vice est une saloperie qui fait le même effet d'une bombe. Et ça, il est bien placé pour le savoir, depuis qu'il a surpris madame avec Cotu dans le noir. Tout est fini, monsieur est un être dégoûté. Depuis il n'a que des mauvais rapports avec la fidélité, avec la sincérité, c'est vrai, faut la mériter. Cette mauvaise expérience l'a beaucoup fait méditer. Qu'est-ce qu'il lui a appris, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire avec l'amour pour en être privé? Il ne se doutait pas que les trésors pouvaient être aussi en toc. Lui qui disait que l'amour était la meilleure des drogues. Monsieur repense à ce que les gens disaient. Cela n'existe pas, tu finiras le cœur brisé. Peut-être qu'un jour il réussira. Alors prouver le contraire, il réussira. C'est une épreuve du rapace, et si tu lui demandes, et ton premier amour, il répondra à faire classe. À toutes celles qui disent qu'elles sont prises pour des connes, n'oubliez pas que les femmes sont aussi des hommes, des hommes, des hommes.